Apple. Try, yeah, to make it. Corbus. Après toute cette machine à laver, cosmétique, politique, géopolitique, royale. Comment tu te sens, mon ami? Je ressens mes émotions, un autre monde, un autre continent. Je ressens mes de mon âme, d'amour, de ce faire, de ce jacquard, de mon âme, cathodique, catholique. De Gucci, de Lacoste, pour faire semblant. Aujourd'hui, c'est plus les marques contrefaites, c'est les sentiments, les émotions. Bâtard, intersidéral, bâtard, vendu, corrompu, jusqu'à la moelle des os. Des os jusqu'à l'os. Des os de là. Vendus en promotion. Yeah. You want to get it. Heaven, do you want to go to heaven? Yeah. Just buy your place. You have to buy your place. I mean, on heaven's door. Behind the heaven's door. Inattendu, c'est le meilleur quand tu sais pas exactement ce qui va t'arriver. Petit gars, petit garçon dans la vie, c'est précisément le mieux qui va t'arriver. For me, it's a new door, a new day, another possibility for you, for me, for you, and me, for you. You, or me, us, them. Des possibilités multiples dans ma tête. Exaction exponentielle. Possibilité dans ma tête pour toi, pour moi, exposant deux, explosant. Les quotas raisonnables dans la tête. Exploration de mon âme. Exploration de nos êtres.